Voici l'humeur de Guillaume Maury. Oh yes. Ça va les amis? Ouais. Bon, cet été, comme tout le monde, j'ai failli attraper le sida. Non, mais je l'ai pas eu parce que pas, non. Je me protège. Moi, je porte un talisman et aussi deux préservatifs en cuir à chaque fois. Pour... vous avez entendu que les centres de dépistage de MST, c'est vrai, ils sont pleins en sortie de vacances. On salue d'ailleurs Leïla Kadour Boudadi qui nous écoute depuis une salle d'attente. Reviens-nous plus fort, Leïla. On t'aime. Donc voilà, dans les grandes lignes, je suis quand même clean. Je le dis parce que Nagui, il veut plus boire à ma bouteille depuis qu'il croit que j'ai le DAS. Il est sympa, Nagui, mais c'est pas Clément. C'est une salarié quand même. Il a ses petites réticences. C'est ce qui, ça fait plaisir de vous voir, patron, d'une certaine manière. Cet été, Nagui m'a envoyé un message, un seul. C'était pendant que la Belgique se faisait défoncer par le Japon en 8e de finale. Je vois un message Nagui, je me dis, bon, il va demander de l'argent comme d'habitude. Etc. Mais non, en fait, à 2-0 pour le Japon, il m'envoie alors ton équipe de merde. C'est vrai? J'ai dû sortir le vieux dossier. Direct. Et toi, Giscard, Bokassa, Lydia Monton. Vraiment, direct le vieux dossier. Donc, c'était chaud pour nous, la Coupe du Monde en Belgique. Vraiment, je me rappelle quand on vous a laissé passer en finale. Là, parce qu'on a, nous, on avait un barbecue tout le dimanche, donc c'était plus compliqué, etc. Donc, on n'a pas été. Mais vous préférez jouer samedi. Ça a été une espèce de déferlement après la Belgique. Les Belges, ils ont le seum. Ils ont le troll seum, etc. Ça y est, votre guide spirituel, c'est Jules maintenant. Ça y est, c'est réglé. Maître Guim, c'était pour sortir pivot de la naphtaline parce qu'il peut encore servir, je vous préviens. Ce que je dis après la Coupe du Monde, franchement, après la demi-finale, j'avais vraiment le d'accord. J'avais tellement le seul contre la France. On m'aurait dit franchement le 16 juillet, on m'aurait dit il y a une bombe à neutrons qui vient de raser Paris. J'aurais fait allez, sérieux. quelqu'un veut jouer au jeu de loi. Vraiment, j'aurais dit ça. Du coup, je suis parti à Ibiza pour oublier que j'ai le seum. Vraiment, je suis parti à Ibiza. C'était canon Ibiza. J'ai creusé Daniel Morin là-bas sur la partie la plus hippie. De l'île évidentielle où on respecte trop l'eau pour la gaspiller dans des douches, etc. Cette année, j'arrête de faire des blagues sur Daniel Morin. Tu sais, Louis XIV, il s'est lavé une fois par an. Franchement, personne ne s'est passé crème, personne ne l'emmerde avec ça. On oublie souvent que Daniel, c'est surtout un auteur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre à Ibiza? Ah oui, c'est vrai, j'ai passé 4 jours avec Nicolas Hulot. On a fait du jet ski ensemble avec son dauphin. Non, il a un dauphin dès l'époque où il faisait Ushuaïa. Je me rappelle. Et je me rappelle, j'ai dit Nicolas, viens, on est pas bien ici, on arrête de travailler. Viens, on arrête de travailler. Il m'a fait, écoute, mec, moi je suis blindé, j'ai les moyens d'arrêter de travailler. Mais toi. Du coup, je suis de retour pour une nouvelle saison. Merci à France Inter de me refaire confiance, alors que franchement. J'ai plus rien d'original à dire depuis octobre 2016. Ah si, j'ai un truc. Vous rendez compte que 1% des gens les plus riches possèdent 50% des Instagrammeuses. C'était mon coup de gueule de la saison. Rendez-nous les Instagrammeuses à la classe moyenne, merde. Sinon, après nous, on est obligé de canner avec des profs de latin et tout. Je me suis politisé, vous avez vu, Ibiza. Je vois, ouais, t'es engagé. Pour le reste de cette saison, quelques changements en ce qui me concerne. Dorénavant, je serai là le mercredi, entre Agnès Hurstel le mardi et Marina. Rollman. T'es bien entre deux femmes. Et moi, je peux vous dire qu'être entre deux gonzesses. Donc voilà, j'ai un nouveau co-auteur qui va m'aider un peu sur l'efficacité des blagues. Ça va réveiller les gens dans le public. L'année passée, il y a quand même 9 décès pendant mes interventions. Et on ne peut pas tout mettre sur le dos du quatrième âge non plus. De toute façon, 25 blagues par chronique, 40 chroniques par an, ça fait 1000 blagues à écrire tout seul. Et je ne peux pas faire tout tout seul. Alors que je peux vous dire, il y a plein de trucs que je fais mieux tout seul. Et je tiens à dire un texte que je ne pourrais pas utiliser toutes ces blagues non plus. Ces deux-ci, c'était vraiment par amitié. Tu aurais été 30€ texte, mais c'est le tarif pour les co-auteurs. Mais je veux un truc plus politique la prochaine fois. Sinon, je vais essayer de parler moins vite. Si ça va être compliqué. Je vais essayer d'articuler au moins 6 mots sur 10, ça va être compliqué aussi, et de moins me dénigrer. Je me dis, c'est impossible. C'est vrai, alors que par exemple, moi je suis considéré comme quelqu'un qui transpire peu, j'ai aussi des qualités. c'est vrai, je suis un mec cool. Du coup, à Ibiza, j'ai repris confiance, j'ai évité le sida et j'ai même plus le seum. Allez, bonne émission, les amis, ça fait plaisir d'être heureux. Merci, Guillaume Maury. France Inter, Nagui, la bande originale.